maintenant, n'avez-vous pas marre de l'amour, sentiment offert à tous, et pour toujours passe-temps, oui, le plus démocratique et gagne-pain de quelques artistes mythiques. Ah mignonne, allons donc voir si la rose qui l'autre soir brusquement s'est éclose n'a pas ce matin perdu ses épines, celles qui causaient ton chagrin, ma Sabine. On s'arrête, puis d'autres valent sans doute le détour, mais n'en avez-vous pas marre de l'amour, tous ces M et ces N qu'on trouve dans les poèmes? Les poètes en ont fait heureusement leur problème, mais cette débauche morose de gentillesse, on l'arrose un peu gauche au vin de messe. Oui, l'amoureux fait son bacchanal, et dans l'ivresse il tue l'original. Son imagination a déserté et sa raison vit depuis sur le trottoir, mais il se frappe le cœur avec espoir bêtement et sans peur de le voir saigner. Et l'amoureux se lance avec passion sur la lance affûtée de Cupidon, croyant possible de vivre pour être aimé. Il finit souvent mort et enflé. Ah non, n'avez-vous pas marre de l'amour quand Cupidon se marre et compte avec humour ses quelques heureux sur les doigts d'une main? Pour les autres, c'est les étoiles et les sapins. Bien sûr, il y a ceux qui font semblant, qui se rassurent en parlant souvent, partageant leurs sentiments, même en mangeant, et tirent des larmes à la boîte de harangues. Alors pardonnez-moi ce péché bien malsain qui consiste à dénigrer ceux qui sauvent nos sociétés, car sans cet amour qui occupe corps et mains, on comprendrait bien vite qu'on s'emmerde à se tuer. Mais ce petit plaisir est un traître, dur à voir venir et à reconnaître. Oui, moi aussi je m'en vais l'embrasser sans détour. Je ne suis qu'un humble troubadour, je ne suis qu'un humble troubadour.